quand le soleil luit sur toi un rayon de merveille de joie. Les griots, les disjockeys, les troubadours de Moss Eisley, tous font silence quand tu dors, ça fait bicher Dark Vador. Spationaute de l'ESA, vétérinaire pour Banta, ce que tu touches vaut de l'or, mon cœur est content de son sort. Oi oi, oi oi oi, oi oi oi, oi oi oi, oi oi oi, oi oi oi, oi oi. Camille, tu es belle quand le soleil luit sur toi un rayon de merveille de joie. L'exploratrice passe pour une novice quand du sommet du K2 tu resplendis de mille feux. Les pirogues de Popinguine, les hommes des sables de Tatooine se dirigent dans le noir grâce à toi ma superstar. Tous les fous, tous les soldats, les marabouts, les prêtres incas feront de toi leur idole quand te calentara el sol. Oi oi, oi oi oi, oi oi oi, oi oi oi, oi oi oi. Sur toi, un rayon de merveille.